yeux brûlent en silence. Chaque trône de fumée s'efface en apte mode. Un feu sacré que rien n'éteint jamais. Gospel of the streets, truth won't die. Ils prêchent fort mais leurs voix sont creuses. Des prophètes vides, des couronnes fausseux. Chaque rime mensonge et nourrit la foule. Mais la vérité manque, tout s'écroule. Je vois des chaînes forgées dans la nuit. Des idoles mortes qui guident vos vies. Vous suivez l'ombre, vous croyez au roi. Mais vos trônes tombent, faibles sans loi. Moi je marche droit, franc et précis. Chaque mot lourd, chaque vérité. Raid est ce qu'il vit, dur et loyal. Un roc vivant, un souffle total. Vos foules répètent sans réfléchir, des voix captives qu'on fait obéir. Vous croyez fort aux reflets creux, des illusions mortes, des rêves tordus. Chaque faux pas devient votre foi, chaque mensonge un nouveau roi. Mais quand le vent souffle trop fort, vos idoles tombent comme des corps. Moi je bâtis sur la sincérité, chaque ligne pèse, brute et gravée. Raid est ce qu'il brûle, clair et vrai, un nom d'acier forgé à jamais. Hey! Gospel of the streets, truth won't die. Cachez vos chaînes dans vos reflets, mais vos ombres meurent à jamais. Vos prophètes hurlent, vos foules s'inclinent, mais vos royaumes tombent en ruine. Moi je reste droit, pierre et acier, chaque vérité ne peut plier. Raid de ce qu'il parle, voix éternelle, un souffle brut, un feu fidèle. Gospel of the streets, truth won't die. Vos couronnes briment et s'effondrent, des flammes mortes que le vent emporte. Chaque mot crié devient poussière, chaque faux trône tombe en lumière. Moi je frappe vrai, froid et précis. Chaque cicatrice forge mes écrits. Raid est ce qu'il vit, gravé dans l'air. Un nom sacré, une voix sincère. Gospel of the streets, truth won't die. Vos cris s'éteignent dans mes flammes, chaque attaque nourrit mon âme. Je suis le bloc, l'acier, le roc. Raid est ce qu'il vrai, gravé dans le choc. Gospel of the streets, truth won't die. Through the fire, I still rise. Riders kill, the flame remains. Breaking lies, I cut the chains. Chaque trône tombe, vos voix s'effacent. Vos mensonges meurent, vie des fougasses. Des générations suivent sans voir. Des foules aveugles perdues dans le noir. Moi je reste feu, droit et loyal. Chaque vérité devient arsenal. Raid est ce qu'il marche, froid et précis. Un roc sacré dans vos nuits. Gospel of the streets, truth won't die. Temple tombe, vos flammes s'éteignent. Chaque mensonge finit en cendres. Raid est ce qu'il vit, clair et vrai. Un nom d'acier gravé à jamais.